Chapitre 20e, où Delbon retrouve un vieil ami. L'hôte inattendu pivota et Delbon s'écria joyeux. « O'Meara, pas possible !» L'Irlandais, qui continuait à promener un blaireau mousseux sur son visage au cuir tanné, répondit d'un ton très naturel. « Bonjour, vieil Henri, tu permets ?» Et il poursuivit tranquillement l'opération commencée, tandis que Delbon, coutumier de ses procédés flegmatiques, allait faire prendre à Bernard le cordial qu'il avait versé. Quand il revint, tranquillisé sur l'état de son domestique, qui s'assoupissait de nouveau, l'Irlandais glissait son rasoir dans la gaine de Maroquin. Il s'excusa, non sans humour. « Ce n'est pas d'un gentleman de pénétrer dans une maison comme j'ai pénétré dans la tienne, sans me faire dûment annoncer. Mais que veux-tu? Les circonstances m'y ont forcé en quelque sorte, et puis, quand même, et sans reproche, tu n'étais pas là pour me souhaiter la bienvenue. C'est vrai, mon vieux, je m'excuse, ni pour te la souhaiter à toi, ni pour la souhaiter à d'autres. Je suis d'ailleurs certain que tu m'as remplacé avantageusement. Hélas, pas autant que je l'aurais désiré, mais j'y pense, mon cher garçon. » O'Meara se frappa le front. « Je me suis passé dans une robe de chambre que tu n'occupais pas tout à l'heure. Peut-être la désirerais-tu maintenant ? J'étais sans gêne, j'en conviens, mais comme je ne savais pas trop quand tu reviendrais d'escapade, je t'ai emprunté du confort. Tu agis avec sagesse, reste dans mes dépouilles. Et maintenant, aide-moi à comprendre comment, sorti d'une maison où régnait la tranquillité, j'y retrouve mon serviteur assommé, les pièces au pillage, et ce qui compense, et au-delà, ses inconvénients, un ami, un très cher et très vieil ami. » O'Meara s'était assis, avait croisé ses longues jambes. « Eh bien voilà, dear old chap, je vais te dire ce que je sais, après quoi nous examinerons ce qu'il conviendra d'en déduire. Je prends donc mon histoire au début. » Tout heureux d'avoir réussi à dépister, au moins provisoirement, les détectives que l'Angleterre a daigné lancer à mes trousses, je suis arrivé cette nuit pensant bien que tu me trouverais un lit quelconque. Certes, j'espérais te surprendre agréablement, mais j'avoue que je ne m'imaginais pas être surpris moi-même comme je le fus par la suite. Fichtre non. Excuse-moi de n'avoir pas rempli en personne les devoirs d'une hospitalité modeste. Je me rattraperai de mon mieux. Attends. M'étant donc renseigné suffisamment pour ne pas risquer de me perdre dans les ténèbres, je me mis en route et par l'itinéraire indiqué, je parvins juste en face de ta maison. Seulement, je n'avais pas prévu le spectacle qui m'accueillit et qui me fit tapir dans l'ombre. Il se passait évidemment chez toi quelque chose d'insolite. En effet, il est assez rare que des invités s'introduisent nuitamment par une fenêtre. L'ingénierie, oui, assez rare et surprenant, sauf au cinématographe. Deux individus, se faisant mutuellement la courte échelle, s'introduisaient donc par la fenêtre grande ouverte de cette pièce même, et pour opérer à leur aise, ils l'éclairaient à giorno. Par correction, je les laissais passer les premiers, et avec le désir de me renseigner, je les suivis sans trop de peine. Il y a là un arbre qui semble avoir été planté exprès pour des grimpeurs de mon espèce. Comme j'hésitais dans l'escalier sur le chemin qu'il convenait de prendre, j'entendis comme un bruit de lutte, et puis une voix qui criait « Au secours, monsieur Delbon !» Je perdis du temps à trouver l'endroit d'où provenait l'appel, et ne parvins dans le studio que pour voir tomber la victime et les meurtriers s'enfuir. Ensuite, j'ai pensé de mon mieux le blessé, qui tournait de l'œil, trouvant suprêmement inutile de poursuivre les malfaiteurs sur un terrain aux embûches ignorées de moi. Ils avaient d'ailleurs eu tout le temps de se donner de l'air. Pour faciliter ton enquête, je me suis, au surplus, gardé de toucher à quoi que ce soit. Je n'ai même pas fermé la fenêtre. Puis, comme il ne faisait pas chaud, j'ai passé ta robe de chambre et j'ai attendu somnolent. Mais au fait, où diable étais-tu pendant cette nuit de réception ? J'étais à Besançon, mon vieux. À Besançon ! À Besançon ! Que diantre allais-tu faire là-bas ? Il faut que tu sois amoureux ou fou, ce qui est la même chose. Delbon ne répondit pas. « En tout cas, tu es fichtrement imprudent, » reprit l'Irlandais. « Si j'ai bonne mémoire, une des clauses formelles du testament qui t'a légué cette maison de malheur comporte pour toi l'obligation sine qua non de ne jamais t'en beaucoup éloigner. Or, tu peux être bien certain que déjà les intéressés sont au courant de ton absence. »« Dont ils ont tâché, tu l'as vu, de profiter, » coupa Delbon. « Tes conclusions, qui sont les miennes, » reprit l'Irlandais, « laissent prévoir une lutte acharnée et prochaine. Qu'importe, vieux, ils ne se sont pas défaussés de leurs mauvaises cartes. Et maintenant, pour mener le jeu, nous sommes deux, n'est-ce pas ? » ?»« Nous sommes deux, » constata Delbon. « Heureusement. »